Exercice 9, page 60. A. Tu veux du sel et du poivre? Transformer. Tu veux du sel ou du poivre? B. Tu veux du pain et du beurre? Transformer. Tu veux du pain ou du beurre? C. Tu veux du vin et du fromage? Transformer. Tu veux du vin ou du fromage? D. Tu veux du café et du sucre? Transformer. Tu veux du café ou du sucre? E. Tu veux du boulgour et du houmous? Transformer. Tu veux du boulgour ou du houmous? F. Tu veux du jus et du pamplemousse? Transformer. Tu veux du jus ou du pamplemousse?